Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez choisi d'écouter Happy Hour plutôt que l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est plutôt une bonne idée, même une idée brillante, parce qu'on est en direct de la scène du Périscope. Et ici, là, dans quelques minutes, sur cette même scène, vous allez pouvoir écouter fort et furieusement The Bridge. The Bridge, c'est un projet, c'est un réseau transatlantique qui met en lien des musiciens improvisateurs français et américains depuis 2013. The Bridge, c'est donc plus d'une dizaine de groupes qui tournent ou tournaient en France et aux États-Unis, surtout à Chicago d'ailleurs. Et on en parle là maintenant avec les principaux concernés ce soir. Il y a Alexandre Pierrepont qui est à l'origine de The Bridge. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Il y a aussi les deux musiciens improvisateurs français de la soirée. On les retrouvera dans quelques minutes sur scène. Pierre-Antoine Badarou et Jean-Luc Guillonnet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous allez donc jouer ce soir avec deux musiciens américains, Jason Rupke à la contrebasse et Jim Baker au clavier. Ils ne sont pas là, mais ils ont enregistré une pièce radiophonique. En fait, comment vous avez procédé? Comment ça s'est passé? Ils ont enregistré, ils ont improvisé, vous l'envoyez. Comment ça s'est passé, Pierre-Antoine? Ils ont enregistré, effectivement, nous on leur a demandé, c'est posé la question, sachant qu'ils ne pouvaient pas venir, c'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient être quand même avec nous d'une manière ou d'une autre. On a eu plusieurs options et on s'est dit que finalement c'était peut-être plus intéressant de leur demander de faire une pièce. Donc effectivement on dit radiophonique, mais dans l'idée en tout cas c'était pour leur suggérer une pièce qui se tienne en elle-même, qui soit pas simplement peut-être une improvisation qu'ils ont enregistrée. Mais voilà, on leur proposait des pistes. Par exemple, on leur a suggéré d'aller enregistrer en plein air. Évidemment de faire en du fait, montage. Que le microphone ait un rôle à jouer vraiment actif dans le résultat, dans ce qu'on va entendre. Et que la situation de prise de son son mot à dire dans le résultat musical ou le résultat sonore. Et voilà. Du coup, vous l'avez déjà entendu cette bande? Oui, nous on a déjà joué avec. L'idée, pour moi, c'est vraiment ça aussi, c'est de jouer avec, c'est-à-dire qu'on joue pas en même temps, mais on joue avec comme on peut jouer avec un objet, je sais pas, enfin voilà, l'objet il est là, sans la dimension ludique de jouer avec un objet, mais l'objet il est là et on l'écoute comme les gens qui sont là, on l'écoute. Après ce qu'on a joué, et après on improvise forcément avec cette pièce-là dans notre mémoire. Et est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous n'êtes pas tenté de reproduire certaines choses? Puisqu'il y a cette matière fixe en fait. Ouais, mais ça c'est pas dérangeant. Enfin, c'est quoi la question en fait? Le but c'est d'être surpris par le morceau de l'autre, donc là c'est peut-être vous qui vous surprenez tous les deux dans Ou peut-être que je me trompe sur le principe de l'improvisation, mais... Bon, en fait, en gros, l'improvisation, c'est un thème un petit peu secondaire, là, du coup. Ouais, c'est puisque ça. Puisque eux, ils improvisent plus. Ils l'ont fait. Et en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils n'ont pas improvisé. Moi, je ne peux pas le juger de ça, de la dose d'improvisation sur un enregistrement. C'est compliqué. Mais en tout cas, on a construit... je pense que le problème, c'est plus de construire un concert... la structure d'un concert avec des gens sur scène et une bande, enfin c'est plus des bandes, c'est disque dur ou quoi que ce soit, et donc de la musique sur support. Donc là, le choix qu'on a pris pour ce soir, c'est de faire une sorte de triptyque. Donc ça veut dire on va jouer nous et on fait une sorte d'introduction à la chose. C'est comme si on tournait les pages d'un triptyque, les panneaux d'un triptyque. Après, il y a l'enregistrement des Américains. Et après, nous, on enchaîne. Et par rapport à la question, probablement que l'introduction, elle est moins improvisée que la dernière partie où on se le dit comme ça. Okay. On se laisse influencer par ce qui s'est passé. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me parler de ces deux musiciens, Jason et Jim, puisque vous avez déjà joué avec eux? Quelle est leur caractéristique dans leur manière de jouer? Qu'est-ce que vous aimez bien dans leur manière de jouer? C'est compliqué, ça. C'est compliqué, ouais. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on les aime bien. C'est un bon début. Ouais, parce que c'était pas obligatoire, on se connaissait pas. C'est un peu comme un site de rencontre, en fait. Et là, c'était, ça a marché, quoi, comme si le site a bien fonctionné. Vous vous retrouvez, c'est que ça a bien marché la première fois. Ouais. Et moi, je dirais que rapidement, comme ça, ce que j'aime bien, c'est chez Jason, c'est il a un côté, il n'hésite pas à plonger dans des sortes de presque léthargie. Dans sa musique, dans sa façon de jouer, qui sont un petit peu déconcertants, ça peut être très déconcertant même quand on joue avec lui. Et en fait, je le dis avec distance parce que j'ai beaucoup réécouté les enregistrements pendant l'été là, et j'étais surpris en fait de revivre ça avec la distance. Et j'ai mieux compris. Sa posture de musicien à la réécoute qu'en live. Donc, je dis avec la perspective. Ouais. Quoi, voilà. Donc, je dirais ça. Et puis, Jim, il est... Je pense que c'est quelqu'un de très libre. Voilà, c'est ça que je dirais. Et qu'il a une sorte de virtuosité, mais qu'il n'expose pas. Et il s'en sert pour... pour être encore plus... pour la détruire, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis en plus, il est multi-instrumentiste, donc il est dur à cerner. Il joue de l'électronique, il joue du piano, et dans les enregistrements aussi, ce qu'il a pas fait avec nous, je crois pas, il joue de l'alto, du violon alto. Voilà. Donc il est difficile à cerner, mais il est très libre. Et alors, pour vous, cernez-vous, je vous ai demandé de choisir chacun un extrait. On va commencer par l'extrait que tu as choisi. Jean-Luc, on va l'écouter et tu nous en parleras après. Sur ce morceau, Jean-Luc, toi, tu es à l'orgue. C'est Claire Bergerot qui est à la voix. Pourquoi tu l'as choisi ? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est d'actualité. C'est l'instant promo. Ouais, ouais. On a enregistré avec Claire en septembre dernier. Et on est. Voilà, on était à fond sur cet enregistrement. Et puis le 10 va sortir bientôt. Mais je l'ai. En fait, Il y a une raison seconde, en fait, c'est que c'est improvisé et qu'on ne dirait pas que c'est improvisé. Et ça, ça me plaît bien. C'est-à-dire, ça construit un petit peu comme une chanson et qu'on sait qu'on ne le refera jamais. Que ce son d'orgue, je ne le retrouverai jamais. Que l'orgue est complètement désaccordé parce qu'il était comme ça. Et... donc il ne sera jamais redésaccordé de la même façon. Et que parfois, le disque s'appelle Air Trouvé, et je trouve que... Et le morceau, c'était Air Premier. Voilà, c'est le premier qu'on a fait. Et que je trouve que c'est... parce que souvent, on parle de l'improvisation comme une liberté, alors que là, on est au service des conditions. Et qu'on invente une forme dans l'instant. Et qui n'est pas forcément une forme bordélique. Voilà. Et donc je trouve que c'est un bon exemple. Pierre-Antoine, même exercice avec toi, on écoute et puis on en discute après. Alors, c'est un morceau d'Ornette Coleman que tu n'as pas choisi, en fait. Non. En fait, le lien que je t'avais envoyé, c'est un lien vers un album où moi, je joue effectivement de fait des morceaux d'Ornette Coleman, des compositions d'Ornette Coleman. Et là, vous avez pris l'original, finalement. Donc, la version originale d'Ornette Coleman. Donc, ce n'est pas du tout moi qui joue. J'aimerais bien, mais... C'est intéressant, ça pose la question de l'original, de la reprise. C'est Mr. and Mrs. People, donc la composition d'Ornette Coleman. Juste pour raconter un petit peu ce qu'on aurait dû entendre. Je vais pas réussir à vous le faire entendre avec des mots, mais c'est un disque que j'ai fait qui n'était pas du tout pensé pour un disque au début. C'était pas prévu que ce soit un disque. C'était un disque de synthétiseur solo. En fait, je me suis retrouvé un jour complètement. Enfin voilà, j'écoutais beaucoup la musique d'Ornette Coleman et j'avais transcrit beaucoup de ses compositions. Et voilà, je l'ai joué sur le synthé que j'avais à l'époque. Et je me suis retrouvé à bidouiller un petit peu avec le séquenceur du synthétiseur, donc qui permettait de superposer des pistes. Et voilà, une petite règle du jeu que je m'étais fixée, c'était de toujours commencer une prise, donc une composition, avec une seule prise, sans aucune préméditation, voilà, sans aucune forme de préméditation. Et après, en fonction de ce que je venais de jouer, sans même réécouter, je rajoutais une couche par-dessus, etc. Donc il y a des fois, voilà, jusqu'à 32 couches de synthétiseur. Voilà. Mais on entendra une autre fois. Mais en tout cas, il est l'écouter. En ligne, c'est possible, c'est sur Bandcamp. C'est ma promo, voilà. Sur le Bandcamp de Remote Resonator, ça s'appelle. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Merci, Jean-Luc. Maintenant, à partir de maintenant, vous êtes libre de quitter cette scène pour prendre un tout petit peu de temps avant le concert. Toi, non. Alexandre, du coup, reste avec nous et on va parler justement ensemble de ce projet The Bridge. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans quelques instants pour le live. Vous écoutez Happy Hour. Happy Hour. Les concerts enregistrés en live du Périscope. Alexandre, comment l'anthropologue que tu es s'est retrouvé à lancer ce projet The Bridge en 2013 donc. Tout simplement parce que dans les années qui ont précédé 2013, alors que j'allais faire mon ethnographie à Chicago, enfin je la terminais plus exactement, de nombreux musiciens français, musiciens improvisateurs, m'ont demandé de me suivre. Avaient eu des échos de mon activité là-bas aussi, parce que les musiciens de Chicago circulaient un peu mieux, un peu plus à ce moment-là, vers la France, vers l'Europe. Donc ils pouvaient en entendre les œuvres, y compris ceux et celles de la dernière génération, qui étaient à ce moment-là moins connus en Europe. Et que donc voilà, comme je faisais déjà mécaniquement la passerelle entre les deux, je me suis retrouvé plusieurs fois à faire des voyages ethnographiques, mais avec un musicien français. Qui me demandait simplement de l'introduire sur la scène de Chicago. Donc je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois. À la quatrième, je me suis dit, il y a peut-être un besoin, une nécessité, un désir en tout cas, pour organiser ces choses-là. Et ça voilà. A tout de suite pris de... Oui, oh oui, bien sûr, parce que de toute façon, les musiques de jazz, les musiques improvisées sont des musiques de la rencontre, de la relation. Celles-là peuvent mettre du temps à s'instaurer et à se développer. Elles peuvent être infructueuses aussi. Il y a toujours le risque de l'infructuosité. Mais il y a ce désir de la rencontre de l'autre et de ce qui peut se produire. Les musiciens américains circulent ancestralement, on va dire, sur le sol européen et à travers le monde. On le leur a parfois reproché sans comprendre vraiment que s'ils ne le faisaient pas, ils ne pourraient pas survivre chez eux en jouant leur musique. Il y a aussi cette condition-là qui est quand même très, très importante. Donc ils sont de toute façon poussés vers le dehors. C'est moins le cas des musiciens français ou européens, mais il y avait quand même une curiosité vers ces nouvelles générations américaines. Et donc, ça s'est assez rapidement enclenché, oui. Et comment... Là, c'est le projet numéro 13 qu'on va écouter ce soir. Donc, ils ne sont pas tous les quatre ensemble, mais ils ont déjà joué ensemble. Qu'est-ce qui prend Quelle improvisation se rencontre entre ces quatre musiciens? Ceux de ce soir en particulier? Ouais. D'abord, ça dépend de chaque ensemble du bridge. Les ensembles du bridge sont créés par les musiciens eux-mêmes. Nous, on fait en sorte de créer des listes, de longues listes, de petits inventaires de musiciens improvisateurs d'ici et de là-bas. Et ensuite, ces listes sont communiquées à l'ensemble des musiciens français et américains. Et ils choisissent différentes formations, différents projets, en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de la connaissance ou de la curiosité qu'ils ont pour un autre musicien qui est leur vis-à-vis là-bas. Parfois, ils se formulent des projets très explicitement. D'autres fois, ils attendent plutôt de la rencontre qu'il se produise quelque chose. C'était davantage le cas de ce 13e Bridge, qui porte un nom d'ailleurs. Le disque est sorti avec les quatre musiciens, puisqu'effectivement, ils ont tourné aux États-Unis d'abord, avant de ne pas venir en Europe. Et donc, c'est « Forget to Find ». Qu'est-ce que, dans ce contexte-là, où The Bridge ne peut pas organiser de tournée, alors que c'est le cœur aussi de l'envie du projet, c'est de faire se rencontrer ces musiciens, est-ce que tu t'es posé la question de dire, est-ce que The Bridge peut continuer ou pas? Alors que je me pose la question ou que je ne me la pose pas, de toute façon, les circonstances font qu'on est obligé de se la poser. Il serait un peu naïf ou illusoire, du coup, de ne pas se la poser. Et on verra bien. On est encore vraiment dans l'inconnu. Après tout, peut-être qu'on peut trouver aussi des éléments de réponse ou des solutions dans l'art de l'improvisation quand on est confronté à de telles situations, aussi inédites soient-elles, et justement parce qu'elle est inédite. Disons que ce que l'on voulait éviter, on s'est posé beaucoup de questions et on se les pose encore. C'est-à-dire que la solution qu'on a trouvée avec Jean-Luc et Pierre-Antoine pour cette tournée, et avec Jim et Jason côté américain bien sûr, c'est une solution transitoire. C'est pas du tout un nouveau modèle de production et de diffusion que l'on propose. Et on espère bien d'ailleurs qu'il va vite devenir caduc, mais ça on n'en sait rien donc. L'idée c'était de ne pas mentir sur l'absence des musiciens américains. C'est-à-dire qu'on continue à réfléchir à d'autres possibilités à cet égard. On a été frappé, toute l'équipe de The Bridge, parce qu'on est plusieurs, on a été frappé en réfléchissant à ce qui était en train de nous arriver, à nous tous et toutes, de toute façon, par ces termes présentiels et distanciels qu'on utilise de plus en plus. Et j'ai été particulièrement frappé par le fait que c'est une fausse antinomie qui omet de dire un mot qui est absence. Comme si on avait peur de l'absence, comme on a peur du vide. il y a une absence aujourd'hui. Alors soit c'est l'absence de nos corps les uns aux autres, quand on est plongé dans des périodes de confinement ou de couvre-feu, on verra ce soir. Soit c'est d'autres formes d'absence, éventuellement même plus radicales. Et on ne voulait pas mentir là-dessus, les musiciens américains ne sont pas là. Donc on n'en verra pas l'image ou l'hologramme. On n'essaiera pas de tricher non plus avec des diffusions en temps réel ou en pseudo-temps réel à travers les continents et grâce aux nouvelles technologies. Non, on leur a demandé avec cette question qu'a très bien relevé Jean-Luc quand il disait « ils n'improvisent plus ». Ils ont improvisé, mais ils n'improvisent plus, mais il y a une trace de l'improvisation. Et ça, de toute façon, ça a toujours posé beaucoup de questions aux improvisateurs, que qu'est-ce que c'est qu'une musique improvisée enregistrée ? Là, pour le coup, il nous a semblé que c'était important de le faire parce que ça pointait leur absence. Ils sont absents, on ne les voit pas, mais on va les entendre d'une certaine manière, comme une ombre portée. Alors je fais souvent le jeu de mots du coup maintenant aussi, mais une ombre ou une onde portée ou plusieurs ondes portées. Ces ondes-là, elles sont présentes et en même temps, elles sont présentes slash absentes. Et c'est avec cette présence-absence que jouent les musiciens français, eux, en temps réel et côte à côte. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette musique improvisée, là, aujourd'hui, dans ce contexte ? Il y a un truc qui est assez commun à ce qu'on vit, là, dans cette situation sanitaire, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a un point commun à en tirer. Alors, je ne suis pas persuadé, il faudrait se lancer dans d'assez sombres spéculations, pour le coup. Quand je pense, ce n'est pas à moi de parler à la place des improvisateurs, mais je pense que dans l'improvisation musicale ou dans l'improvisation heureuse, va-t-on dire, et dans l'improvisation heureuse, il y a aussi des accidents et des échecs. Hein, ça n'empêche pas le bonheur, les accidents et les échecs. Malgré tout, il y a l'idée d'une construction commune et qui s'aventure peut-être dans l'inconnu et peut-être en tâtonnant, mais en essayant de paramétrer, de combiner positivement, inventivement, le plus possible d'éléments. Nous sommes plongés politiquement dans l'inconnu aujourd'hui, mais cet inconnu, indépendamment, enfin c'est difficile que ce soit un peu dépendamment, bien sûr, des conditions sanitaires et même médicales et scientifiques de la pandémie, à l'heure actuelle, c'est aussi un problème politique, ou comme on a pris l'habitude de le dire depuis une vingtaine d'années, biopolitique. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris de quoi il s'agit, bah, là maintenant on a une explication grandeur nature. Et je ne suis pas persuadé que dans les politiques aussi hasardeuses à certains moments, malgré tout, hein, mais qui correspondent toujours à un certain nombre de logiques économiques et sociales, on soit véritablement dans l'improvisation. On est très certainement dans du bricolage et de l'approximation. On est très certainement dans de la confusion aussi. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'approximation et de la confusion dans l'improvisation, mais c'est quand même basé sur d'autres vertus et valeurs. Alexandre, toi aussi tu t'es prêté à l'exercice de choisir un morceau, on l'écoute et on en parle après. Anthony Braxton et Derek Bailey. Alors pourquoi ce choix ? C'est un classique de la musique improvisée non idiomatique ou libre, et toutes ces appellations posent différents types de problèmes d'ailleurs. Début des années 70, c'est-à-dire à l'époque où justement une nouvelle génération, ancienne pour nous aujourd'hui, mais malgré tout, de musiciens américains sont venus parfois s'installer en Europe, en tout cas collaborer avec des musiciens improvisateurs européens de la nouvelle génération aussi. Et donc là, en l'occurrence, le guitariste Derek Bailey, l'américain, c'est Anthony Braxton au saxophone. tout un cycle d'activités a démarré d'ailleurs à peu près dans ces eaux-là, en Angleterre, en France, partout en Europe, et puis parfois aussi aux États-Unis en face, un peu moins quand même à ce moment-là. C'est un dialogue juste entre deux musiciens improvisateurs. C'est l'art de la rencontre dont on parlait tout à l'heure. C'est l'un des fondements de l'improvisation. C'est certainement pas le seul. Il a aussi été critiqué par les improvisateurs eux-mêmes qui ne voulaient pas faire reposer leurs interactions simplement sur un dialogue en forme de ping-pong. Où on agit et réagit et interagit de façon finalement presque mécanique. Ça pose aussi, c'est pour ça que je disais, ça pose aussi des questions et des problèmes, ces choses-là. Mais malgré tout, ça reste, quoi qu'il arrive, l'une des sources de l'improvisation, le dialogue entre deux individus qui éventuellement font en plus de cela partie de deux cultures différentes. Et donc, c'est d'une certaine façon aussi un ancêtre de The Bridge. Merci beaucoup. Merci Alexandre d'être venu nous en parler. Tout de suite, là, dans quelques minutes, c'est The Bridge, ce projet 13 avec Pierre-Antoine Baradou et Jean-Luc Guillonnet qui vont nous rejoindre, les deux saxophones sur scène. Il y aura, ce sera un dialogue à quatre musiciens, ce sera un dialogue un peu différent, c'est tout, mais c'est The Bridge et c'est dans quelques minutes sur la scène du Périscope. C'était Happy Hour. Merci beaucoup et très belle soirée à tous. Vous écoutez Happy Hour. Happy Hour. Les concerts enregistrés en live du Périscope. Thank you.

Vous écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope. Thank you. C'est l'heure d'Happy Hour. C'est l'heure.